Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle émission de Dr Disco et Mr Funk. On va passer une demi-heure ensemble en écoutant des morceaux qui vont, je n'en doute pas, vous rappeler des souvenirs. Le clin d'œil aujourd'hui va à Barry Manilow. Avant de vous donner le titre qui vous parlera forcément, je vais vous donner quelques infos diverses et variées. Le tube de ce chanteur date de 1978. Il s'en est vendu 500 000 exemplaires aux États-Unis et 250 000 en France. Disque d'or aux USA, classé numéro 8 au hit-parade US, faisant le bonheur du disco et repris par Liza Minnelli, Kylie Minogue et Lynn Renault. Vous avez trouvé ? Il s'agit bien sûr de Copacabana. Là, je suis sûr que cela vous dit quelque chose. On l'écoute tout de suite. Barry Manilow. Double dose aujourd'hui, on va la consacrer à Boney M, groupe phare de la période disco. Il a vendu plus de 50 millions de singles et 60 millions d'albums. Vous connaissez tous le chanteur Bobby Farrell, débordant d'énergie. Pour la petite histoire, ce n'est pas lui qui chante, mais c'est Frank Farian qui est à l'origine de la création du groupe. La qualité des mélodies et des instrumentations très travaillées et les textes simples sont à l'origine du succès. Weaver of Babylon est la troisième meilleure vente de 45 tours de toute l'histoire des classements britanniques. On peut ajouter des titres comme Daddy Cool, Sonia, Rasputin et My Baker, qui ont contribué à la légende du groupe. Les années 80 seront moins brillantes et le groupe se sépare en 1986. Bobby Farrell décédera en 2010. On va écouter My Baker, dont le titre est inspiré de la criminelle Kate Barker

Pour le maxi de la semaine, j'ai décidé de vous mettre du lourd, mais alors là, du très lourd. The Whispers et son tube And the Beat Goes On. Sorti début 80, en pleine période disco, le titre fleure bon la funk. Vous en reprendrez bien une tranche ? Eh bien, c'est maintenant sur Dr Disco et Mr Funk. Thank you. pour l'instant français, on va partir outre-Atlantique, direction le Québec. George Thurston est né en 1951, mais c'est près de 25 ans plus tard qu'il deviendra boule noire pour le public québécois. En pleine vague disco, il connaît son premier succès avec la chanson « Aimes-tu la vie ?» sortie en 1976. Mais la consécration a lieu 2 ans plus tard avec l'album « Aimer d'amour », propulsé par sa chanson-titre. Le disque se vend à plus de 100 000 exemplaires et Boule Noire entreprend alors une grande tournée du Québec. Ce n'est toutefois qu'au début des années 90 qu'il va enregistrer le vidéoclip qui illustrera la chanson. Encore aujourd'hui, on entend régulièrement « Aimer d'amour » dans de nombreuses publicités à la télévision. On reconnaît facilement la voix du chanteur. Il y a 40 ans, la chanson « Aimer d'amour » atteignait la première place du palmarès de Radio-Québec. Et il y est resté pendant 5 semaines consécutives, rien que ça. On l'écoute tout de suite. Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. On arrive à notre pépite du jour. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous Lady des Commodores. Un morceau très entraînant réalisé par un groupe mythique. Bon, je suis sûr qu'on va leur consacrer une double dose, un de ces quatre. Premier juré. Le titre est sorti en 1981. Mesdames, après vous. Thank you. On va se quitter sur ces bonnes paroles. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Je vous dis à bientôt sur Dr Disco et Mr Funk. Portez-vous bien et écoutez Fadjet. A plus.